La stéréophonie donne un relief acoustique à votre salon. Un dîner aux chandelles avec Tom Cruise ou écouter British Connection avec Philippe? J'ai choisi. Vous aviez décidé de rester à la maison. Vous êtes bien installé dans votre fauteuil. Et grâce au miracle de la stéréophonie, vous vivez la sensation exceptionnelle d'y être. Je ressens un frisson qui part de la base des vertèbres lombaires et qui remonte au plus haut des cervicales. Monsieur, madame, c'est normal, vous m'aviez consulté pour déprime et idées noires. Je vous ai prescrit 2 heures de British Connection par semaine. Surtout, n'arrêtez pas, le traitement est efficace. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. Bonjour, c'est Frédéric Buffa, auteur de Beatlemaniac dans British Connection. Voilà, je me présente, je m'appelle Frédéric Buffa, j'ai 56 ans et je travaille dans l'enseignement supérieur au Mexique. Philippe m'a demandé de présenter mon premier roman intitulé Beatlemaniac. Comme le titre l'indique, le livre fait la part belle à un groupe de Liverpool que tout le monde connaît ou croit connaître, même s'il s'agit en fait de romans policiers. Beatlemaniac met en scène un policier, donc le commandant Jean-Paul Estable, alias JP, enquêteur à la brigade criminelle à Paris. Au début du roman, le brave homme ne va pas très fort. Récemment divorcé, il déprime et rêve de changer de vie. Dans le cadre de son travail, JP se retrouve confronté au meurtre inexpliqué d'un enseignant bouddhiste tué chez lui d'une balle en pleine tête pendant son sommeil. Il n'y a aucun indice, si ce n'est un baladeur trouvé sur la victime avec pour seul enregistrement la chanson Tomorrow Never Knows des Beatles. Cela intrigue JP, d'autant plus qu'il est lui-même un grand fan des Beatles. Parlons un peu de Tomorrow Never Knows. C'est une chanson avant-gardiste, peu connue du grand public, mais très importante dans l'histoire de la musique rock, puisqu'elle annonça le virage expérimental qu'allait prendre la production des Beatles en 1967. La chanson a été écrite par John Lennon, qui trouva son inspiration dans une adaptation du livre tibétain des morts par des psychologues américains promoteurs du LSD. Il s'inspira également de sa propre consommation de ces drogues, dont il était très friand. Musicalement, le morceau est basé sur un bourdon de tempura, un instrument à cordes indien. Son enregistrement, à une époque où les équipements de studio britanniques étaient assez rudimentaires, a donné lieu à une multitude de prouesses techniques. L'ingénieur Jeff Emerick créa un nouveau son pour la batterie de Ringo Starr, omniprésente avec un rythme répétitif et entêtant. On passa la voix de John Lennon dans un haut-parleur d'orgue Hammond pour qu'elle ressemble à celle du Dalai Lama chantant depuis le sommet d'une montagne. On trouve également un solo de guitare joué à l'envers et en accéléré. Surtout, la chanson se caractérise par l'utilisation de différentes boucles sonores réalisées par McCartney à partir de bandes magnétiques saturées qui ont été injectées au mixage. Du sampling avant l'heure, en fait. Au final, les Beatles ont obtenu un morceau psychédélique à souhait, mélange de musique indienne, de rock et de musique concrète. Je vous propose donc d'écouter Tomorrow Never Knows, cet ovni musical sorti en 1966 sur l'album Revolver. Lay down all but surrender. en exclusivité, uniquement dans British Connection. Dès le début de l'écriture de Beatlemaniac, j'ai commencé à insérer des digressions sur l'univers des Beatles au sein de la trame de l'enquête policière. J'aime bien les romans qui tirent vers l'essai par moments, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre, qui fourmille d'anecdotes, d'allusions, d'analyses et de commentaires liés aux Beatles. Ce roman policier est rapidement devenu pour moi une opportunité de rendre hommage à un groupe que j'adore et que j'admire depuis l'enfance. Un groupe qui conjugue popularité phénoménale et influence colossale. L'une des chansons utilisées par le tueur en série de mon roman pour commettre l'un de ses crimes est « Helter Skelter ». C'est un choix assez évident quand on sait que dans la vraie vie, ce morceau est associé au crime commis par Charles Manson et sa bande d'illuminés. Charles Manson a en effet déclaré à son procès qu'il avait entendu une invitation au meurtre en écoutant « Helter Skelter ». En réalité, l'origine de cette chanson du double album blanc est tout à fait anodine. L'expression « Helter Skelter » peut avoir le sens de « chaotique », mais c'est aussi le nom d'un toboggan en spirale que l'on trouve dans les fêtes foraines britanniques. Helter Skelter est surtout le résultat d'un défi que s'est lancé Paul McCartney après avoir lu une interview des Who. Il s'agissait d'enregistrer la chanson la plus rauque, tapageuse et sauvage possible. Les Who l'avaient tenté avec la chanson I Can See For Miles. McCartney voulait faire mieux. Avec Helter Skelter, les Beatles sont souvent crédités d'avoir inventé le heavy metal. Helter Skelter semble en effet exprimer une volonté de casser l'image d'Épinal des quatre gentils garçons dans le vent. Cette chanson démontre une fois de plus l'incroyable versatilité des Beatles en général, et de McCartney en particulier. Grand amateur d'exercice de style et touche-à-tout musical, il était capable de produire sur un même disque ce titre précurseur du hard rock, une parodie de Chuck Berry et des Beach Boys avec Back in the USSR, des ballades folk comme Mother Nature's Son et Blackbird, ou encore Honey Pie, un pastiche de la musique des années 20. Le double album blanc, où on trouve aussi du blues et de la musique expérimentale avec Revolution No. 9, est d'ailleurs le plus éclaté et le plus libre de tous leurs disques. Une sorte de patchwork musical dont la plupart des chansons ont été écrites durant leur séjour en Inde à Rishikesh entre février et avril 1968. Je vous propose donc d'écouter Helter Skelter. Notez bien à la fin du morceau le cri rageur de Ringo Starr qui se plaint d'avoir des ampoules aux doigts. Look at- British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Beatlemaniac est un livre publié en auto-édition. Sur Amazon, il est disponible en version papier, broché ou relié, ou en version électronique, Kindle. On peut l'obtenir également en version électronique sur les plateformes de Kobo, la Fnac, Apple Books et Google Play. Je crois que Beatlemaniac est un livre qui plaît aux fans du groupe parce qu'ils vont s'amuser à repérer toutes les allusions plus ou moins discrètes à l'univers des Beatles. Pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça les Beatles, c'est l'occasion de découvrir des chansons, des anecdotes et des aspects moins connus du groupe. L'un de mes objectifs avec ce livre a été de changer la façon de les écouter. J'espère avoir réussi, au moins en partie. Pour terminer, je vous propose une autre chanson mentionnée dans le livre. Il s'agit de « Why My Guitar Gently Weeps », écrite par George Harrison et publiée sur le double album blanc en 1968. À cette époque, George Harrison essayait de s'affirmer comme auteur-compositeur au sein du groupe. Ce n'était pas chose facile à l'ombre des deux géants à l'ego bien trempé qu'étaient Lennon et McCartney. Il avait souvent le sentiment que ses compositions n'étaient pas prises très au sérieux par ses compères. Les trouvant peu enthousiastes pour l'enregistrement de Wild Game, My Guitar Gently Weeps, il décida d'inviter son ami Eric Clapton à y participer, histoire de bousculer un peu la dynamique du groupe. Clapton était lui-même hésitant, car il craignait la réaction des autres membres. Finalement, le plan de George fonctionna à merveille. La présence de Clapton à la guitare solo galvanisa les troupes et McCartney composa même une belle intro au piano. Depuis, While My Guitar Gently Weeps s'est converti en classique des Beatles grâce à sa tonalité à la fois plaintive et planante avec l'un de ses arrangements dont ils avaient le secret. La participation de Clapton à l'enregistrement a été tenue secrète à l'époque en l'absence d'accord de leurs maisons de disques respectives. Encore merci à Philippe pour cette invitation à présenter Beatlemaniac dans British Connection. Je vous laisse en bonne compagnie avec While My Guitar Gently Weeps et Beatles. No one alone. Moi, j'écoutais British Connection. J'en suis folle le jour et la nuit. J'en fais même des insomnies. When the morning light comes. Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de l'album de la semaine s'appelle Rise from the Ashes, le groupe High Charger. Sur un album, t'as toujours des titres de transition qui marquent une certaine continuité dans l'histoire du groupe. Pour moi, My Chain s'en fait complètement partie. C'est un des titres qu'on aurait très bien pu retrouver sur notre album précédent, Hexagram. C'est d'ailleurs une des rares idées qu'on a gardées et composées pendant la fin de cette tournée. Way you choose the garder votre sang-froid. British Connect. Woo! Here we go. Tu es à présent sur British Connection et tu ne sortiras pas de mon esprit. British Connection. Retrouvez British Connection en podcast, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de l'émission et vous avez tout ça. On se retrouve dans un instant pour la seconde heure, la seconde partie de British Connection, votre émission rock, et on la débutera avec Rémi et son micro jaune. A tout de suite.